Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 37 du mag. Numéro que vous auriez dû avoir la semaine dernière, mais que nous n'avons pas pu mettre en ligne pour des raisons de problèmes de son. On va reprendre le rythme habituel dès cette semaine. Le mag revient donc après cette petite interruption. On va faire comme d'habitude le tour de l'actu télé, de l'actu ciné pour ce qui concerne les adaptations de comics. On vous parlera non pas d'un, mais de deux comics de la semaine. On répondra aussi à la question de la semaine. Et puis on fera aussi le tour de l'actu comics VF et VO. Je suis Mathieu et vous allez écouter le mag. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Irish. Salut. Et Clément. Salut. Allez savoir pourquoi je me suis trompé dans l'ordre alphabétique. C'est ce que j'allais dire, tu m'as mis en dernier. C'était le piège. Ouais, je suis triste, tu me déçois. Donc un mag spécial puisqu'on va refaire le comics de la semaine dernière. On va refaire la question de la semaine dernière. Cool. On va faire comme si on ne l'avait jamais fait. Chouette. Ouais, youpi. Allez, c'est parti avec l'actu télé qui cette fois, celle-là, elle est originale. C'est toi, Erich, qui commence avec ce qui concerne les séries Marvel. Oui. Donc, on va commencer par le meilleur ou le pire. Plus pour longtemps, en tout cas. Ouais, voilà. Il s'agit de la série Agent Carter. Donc, l'interprète principale, Hayley Atwell, qui rejoint le casting pour un nouveau projet de série, Conviction. La série en question s'appelle Conviction. Donc, ce qui n'est pas de très bon augure pour la série Agent Carter, dont on murmure des possibilités d'annulation. Déjà, les audiences sont pas de bon augure. Si en plus Atwell va rejoindre une autre série, même s'ils disent qu'il pourrait s'arranger dans son planning pour qu'elle bosse aussi sur Agent Carter, vu que c'est la même chaîne, ça paraît quand même peu probable. Surtout que l'audience, il y a moitié de l'audience qui s'est barrée entre la saison 1 et la saison 2. Ouais, ça fait mal, ça, cette chute-là. Déjà que c'était pas très très haut en rapport aux autres chaînes. Il y a un hélico qui a atterri chez quelqu'un, là. Ouais, c'est normal. C'est toutes les semaines. C'est l'horaire. C'était l'hélico de 20h06. Donc ouais, ça sent mauvais. On va dire qu'on est à quoi? 90% d'annulation pour les deux chances? Oui. Hein, à peu près, là. Hein. Et je pense que c'est de ma faute parce que j'ai toujours pas réussi à la regarder. Donc. Après, ça veut rien dire. Si la série Conviction n'est pas commandée, oui. Ça lui laisse le champ libre. Oui. C'est un projet. Mais avec toutes les nouvelles séries Marvel qu'ABC est en train de préparer, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de faire du ménage? Ça, c'est sûr. Ça va, ça. Ouais. Il y en a beaucoup. Pour mettre Most Wanted, par exemple, à la place, l'année prochaine. J'ai toujours des doutes par rapport à la viabilité de ce projet. Après, ouais, ça faudra voir. Allez, on enchaîne, Irish, avec du côté de Netflix, toujours pour Marvel. Ouais, oui, et là, il s'agit du Diable de Hell's Kitchen, dont on devrait avoir un trailer lundi. Voilà, donc hier pour ceux qui nous écoutent et demain pour nous qui enregistrons. Voilà, et donc on sait déjà que la nouvelle saison devrait arriver, c'est le 25 mars, c'est ça? Non, je crois que c'est avant. C'est pas le 18? Ah oui, il me semble que c'est, ouais, c'est ça, c'est le 18 mars. Je savais que c'était un peu lié à Batman vs Superman parce qu'il y avait une sorte de... Ouais, 18 mars. Ouais. Mmh. Oui, il y a un petit peu d'écart avec Batman vs Superman. Ils auraient pu le mettre le même jour et puis finalement, non. Oui, finalement. Donc voilà, le 18 mars pour la saison 2 de Daredevil, donc dans presque un mois pile, quoi. Donc pour le moment, nous, on a juste un petit teaser de quelques secondes avec une phrase du Punisher qui est plutôt intéressante. Je trouve, le Punisher qui dit à Daredevil, fait qu'il lui demande, qui lui dit qu'en fait, voilà, la seule différence entre lui et Daredevil, c'est un mauvais jour. Je trouve. C'est pas mal. Je trouve l'accroche intéressante. Donc après, on vous parlera la semaine prochaine, évidemment, du trailer complet qui arrive donc demain et hier pour vous. Si vous n'avez pas vu ou si vous n'étiez pas au courant, bah allez le regarder. Et puis on a des nouvelles pour la future série préférée de Clément. On parle de, bien sûr, vas-y, Clément, je te laisse prononcer le nom, parce que... Oh, c'est méchant, Iron Fist. Voilà, on parle d'Iron Fist, dont le tournage devrait débuter le 18 avril, pour une durée de 6 mois. Voilà, c'est le site Season Zero qui nous dit ça. Donc ça veut dire que il va falloir nous révéler l'acteur assez vite maintenant. Ouais, 18 avril, ça se rapproche, ça se rapproche. Pourquoi pas juste avant la diffusion de Daredevil ? Ou pourquoi pas dans Daredevil ? Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Non, vous pensez qu'il a tourné dans Daredevil ? Bizarrement, le tournage démarre une semaine après la sortie de Daredevil. Un mois, je veux dire. Donc ça laisse le temps aux gens de regarder et de faire une annonce, voilà. On pourrait très bien imaginer, non pas forcément un Iron Fist, mais un Daniel Rand, qui serait client de Matt Murdock pour une affaire, ou je sais pas quoi. Voilà. Allez, on enchaîne avec les autres adaptations comics, plutôt du côté indé, et c'est toi, Arnaud, qui nous en parle. Oui, c'est donc sur la CW, il n'y a pas que les séries de super-héros. Il y a aussi d'autres... il va y avoir bientôt d'autres séries de comics, mais pas de super-héros, toujours produit par le même, toujours produit par Greg Berlanti. Et donc c'est Riverdale, adapté des comics Archie. Et on ne savait pas grand-chose jusque-là, et on a appris que deux comédiens ont été engagés pour le pilote. Il s'agit d'une ancienne star de Disney Channel, Cole Sprouse, qui était dans... La vie de Palace de Zach et Cody. Voilà, la vie de Zach et Cody. On est les fans. Donc c'est l'un ou l'autre, parce que c'est deux frères jumeaux, je sais plus lequel. Et donc cet acteur va jouer Jughead, qui est le meilleur ami de Archie, enfin, d'après le descriptif, qui est l'ancien meilleur ami d'Archie. Et ensuite, la deuxième personne, c'est Lily Reinhart, qu'on a vu dans Surviving Jack, qui va jouer Betty Cooper, qui est donc une amie de Archie. Qui a un crush, qui est amoureuse secrètement de lui. Un casting, suffit de regarder des photos, un casting très cohérent avec la chaîne. Voilà. En même temps, il fallait pas s'attendre. Oui, non, mais voilà. Bon, moi j'attends quand même beaucoup cette série, donc j'espère qu'ils vont pas massacrer les comics de base que j'aime bien. C'est bien ralenti, alors on sait jamais. Mais c'est ça. On continue avec Preacher. Voilà, une autre série, là pour le coup, ça a l'air vraiment excellente, c'est Preacher pour AMC. Et on a appris que le rôle de Odin Quinacon a été casté, et il sera joué par Jackie Earl Haley, qui a joué Rorschach dans Watchmen. Ouais, ça vient à un projet de comics. Et donc Odin, c'est un petit homme qui est membre du Ku Klux Klan. Ouais, ça fait aussi mal à dire que ça fait ouais. mal. Ouais. Et donc il contrôle la ville d'une main de fer et il a un petit penchant pour les animaux, disons. Oui, sur la carcasse. Il va bien avec le groupe auquel il appartient. Bah voilà, c'est tout pour les actus télé. Dites donc 4 news seulement, enfin 5 pour la télé cette semaine. Je crois que c'est une des plus petites parties télé qu'on ait jamais faites. Ah oui, complètement. On va peut-être pas s'en plaindre. Allez Clément, du coup on va enchaîner avant de parler des comics VF. Tu vas nous parler d'un comics VF qui est le comics de la semaine dernière. Urban Previews. Urban Previews. Donc c'est sorti assez récemment. Hein. Ouais. Donc en fait le concept c'est environ 300 pages, je crois. Ouais, c'est ça, environ 300 pages en format souple. Et en fait on a Urban a fait le choix, voilà, de nous proposer chaque le premier chapitre de chaque comic qui va sortir là durant 3 mois, je crois, jusqu'au mois de mars. Ouais, pour la librairie, oui. Et donc c'est 4,90€, c'est pas cher du tout, ça vaut clairement le coup, ça permet de faire le choix. Et c'est plutôt bien foutu parce que d'un côté, il y a le côté, on va dire, mainstream, donc tout ce qui est Batman, Harley Quinn, etc. Et d'un autre côté, il y a tout ce qui est comics indépendants. Ouais, il faut retourner le bouquin, en fait. C'est ça. Et le lire dans un sens ou dans l'autre pour avoir soit la gamme Indies, soit la gamme DC. Donc, voilà. Très bonne initiative. On en a parlé la semaine dernière. Je vous en avais parlé, moi, la semaine dernière à l'époque. Depuis, toi, tu l'as acheté, du coup. Ouais. Le prix est donc 4,90€, je sais plus si tu l'avais dit. Ouais, 4,90€. Oui, tu l'avais dit. Donc pas cher du tout, évidemment, voilà, c'est excellente idée. Ah ouais, pour 4,90€, franchement, voilà. c'est le prix d'un comic de kiosque, quoi. Même pas, ouais. Enfin, Urban, c'est moins cher qu'un Urban, et oui, c'est à peu près le prix d'un kiosque Panini. Bon, et il y a trois fois plus de pages, presque quatre même. C'est ça, puis ça permet de faire du choix. Alors, on peut tester une quinzaine de séries, ça nous coûte pas grand chose, et puis ça évite d'acheter un tome 1 et d'être déçu et de l'avoir payé 15 balles. Voilà. Par exemple, dedans il y a il doit avoir les gars premiers chapitres, par exemple, de December, et ouais. aussi, entre guillemets, renouveau de Batman. Ouais, il y a plein de plein plein Donc, de ça, plein il y a de pas mal de. Bah, donc c'est dispo non pas en kiosque mais en librairie. Ouais, c'est ça. Donc, moi, Voilà. je l'ai trouvé chez Album. Voilà. Et bien voilà qui nous permet d'entamer tranquillement l'actu comics VF. On vous avait parlé d'un nouvel éditeur qui allait arriver sur le marché en 2016, qui allait reprendre la gamme Valiant que Panini avait laissé tomber comme un bon vieux caca. C'est donc Bliss Comics, cet éditeur. On attendait des premières annonces. Ça y est, elles sont tombées. Bliss va débarquer en avril en librairie. Avec, ils ont pas fait le, enfin voilà, ils ont pas choisi n'importe quoi pour commencer, puisqu'ils ont choisi deux séries Valiant signées Jeff Lemire. Normal. La première s'appelle The Valiant, donc le scénario Jeff Lemire, je vous l'ai dit, accompagné de Matt Kint, au dessin et aux couleurs Paolo Rivera. Une mini-série en 4 numéros, donc un tome, voilà, pour une histoire complète. 128 pages, le format est cartonné et ils le vendront au prix de 10 euros. Ouais, c'est bien ça. Donc le cartonné à 10 euros, ils ont repris évidemment la bonne politique d'Urban qu'on voit aussi chez Image en VO. Excellente, excellente initiative. On n'attend pas que les titres se vendent pas, voilà, pour faire des promos comme Panini avait fait. Direct, on met les tomes à 10 euros pour les tomes 1, on verra ce que ce sera pour les tomes 2, mais voilà. Et puis la deuxième série, toujours de Jeff Lemire, donc, avec cette fois Miko Swayan et Raoul Allen au dessin, c'est Bloodshot Reborn, qui est une des meilleures séries parmi tout ce qui a été proposé en comics en 2015, donc c'est vraiment quelque chose à découvrir. Bloodshot Reborn, donc de Jeff Lemire, le tome 1, 144 pages cette fois, toujours format cartonné, toujours 10 euros. Je sais ce que je vais acheter à la PCE, moi. Ouais, moi aussi. Et tu parles bien en disant de la PCE, puisqu'ils vont sortir ces titres-là le 28 avril 2016, mais ils seront en avant-première à la PCE, ils seront disponibles à la PCE, puisque Bliss Comics en a profité pour annoncer qu'ils allaient avoir un invité pour la PCE. Donc un éditeur qui se lance, qui va sortir ses deux premiers titres et qui, en plus, invite un dessinateur. Paolo Rivera. Je peux déjà peser ah, lourd. Rivera. Paolo Rivera, qui est le dessinateur de The Valiant, un des deux tomes donc qu'ils vont proposer. Donc, bah, ça va, voilà, la PCE, si vous avez encore besoin d'un prétexte pour y aller, bah, vous aurez les deux premières publications de Bliss Comics en avant-première et vous pourrez même vous les faire dédicacer par le dessinateur de l'une d'entre elles. Voilà. Oh, bah, ça va, pour un... Bliss Comics pour un départ. Là, ouais, c'est pour un éditeur qui se lance, pour un petit éditeur comme ça nouveau, je trouve que c'est oui, un gros, gros puis, départ. Puis, si cette annonce-là n'est pas la partie supplémentaire que la PCE est et sera le seul et vrai salon de comics en France. Voilà. Voilà. Donc, on attend les prochaines nouvelles. Hein. C'était la première newsletter de Bliss Comics pour qui nous a annoncé ça. Donc, il y en aura d'autres à venir où ils vont peut-être nous annoncer leurs prochaines sorties numériques. Vous avez parlé de beaucoup de sorties numériques aussi pour tout ce qui avait déjà été publié par Panini notamment. Donc, ben, on va guetter ça de très près. Mais en tout cas, beau début pour l'éditeur. Arnaud, tu vas nous parler, toi, de Panini. Oui, et on va faire des choses dans l'ordre. On va commencer par le mois de mai. Puisqu'ils ont annoncé pas mal de sorties pour le mois de mai. Alors d'abord, 3 Deluxe, hein, le tome 1 de Punisher du run de Ruka et Checheto. Le nouveau tome de Captain America de Brubaker. Hein, et la suite et fin du run de Milligan et LaRocca sur X-Men. Ouais. Et pour compléter le mois de mai, ils vont sortir le premier tome de Miracle Man de Neil Gaiman et Mark Buckingham. Re-youhou. Voilà. Mais c'est pas tout, au mois de juin, ils vont encore sortir un run sur Deadpool, même s'ils ont déjà balancé pas mal de choses là au mois de février. Au mois de juin, donc, on aura un Marvel Select avec l'intégralité du run de Christopher Priest sur Deadpool. Donc. Voilà. Donc gros gros programme, les trois deluxe là, enfin il y en a le troisième sur X-Men, bon voilà, mais. Le Punisher de Ruka, effectivement, c'est hyper attendu. Et puis le tome de Captain America par Brubaker, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas sorti de nouveau tome. Donc, voilà. Ce qui me dérange juste avec le run de Brubaker sur Captain America, c'est qu'ils sont déjà en train de le sortir en Marvel Icons, alors qu'ils n'ont même pas terminé l'édition de luxe. Donc c'est foutage de gueule. Hein. Voilà, c'est du coup, voilà, qu'est-ce qu'on achète, quoi. Bon, clairement, pour moi, c'est de luxe parce que le papier est plus qualitatif et les couleurs sont plus belles. Mais bon, ça brouille un peu le marché. Surtout que tout Brubaker est encore disponible en Deluxe. Donc pourquoi le sortir maintenant en réédition? Bref. Panini, on va chercher à comprendre. C'est ça. Allez, on va répondre de manière très spontanée et comme si c'était la première fois à la question de la semaine dernière. au cinéma en 2016. Quelle est donc cette adaptation de comics que vous attendez le plus parmi tout ce qui sortira en 2016? Donc, je vous rappelle les protagonistes, entre guillemets. Ah, d'ailleurs, les résultats ont changé par rapport à la semaine dernière. On a Deadpool, Batman v Superman, Captain America Civil War, X-Men Age of Apocalypse, Suicide Squad, Doctor Strange. Vous aviez également le choix de nous dire toutes ou aucune. On va se la faire rapidement, dans l'ordre, Arnaud. Bon, Deadpool est déjà sorti, mais c'était pas mon numéro 1. Moi, je suis vraiment du côté de DC, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec Batman v Superman. Mais surtout, je pense que ça va être réussi, en tout cas, ça reste des super-héros qu'on a déjà vus au cinéma, donc même si le film est très attendu de mon côté, celui que j'attends le plus, c'est quand même Suicide Squad, de voir pour la première fois ces personnages arriver à l'écran. Donc ça va être celui-là, parce que les Marvel me font pas envie du côté de la Fox avec X-Men, Apocalypse ou Marvel qui m'a un peu refroidi avec Civil War. Et j'ai absolument pas envie de voir Doctor Strange. Donc Suicide Squad pour moi. Et toi, Clément? Bah moi c'est un peu c'est du même avis qu'Arnaud, les Marvel me vendent absolument pas de rêve, j'ai pas du tout de hype pour ces films. J'aurais tendance à dire Batman v Superman, surtout avec le nouveau trailer qui est sorti cette semaine, mais je suis quand même beaucoup plus curieux de voir ce satisfait. Ok, Irish. Bah moi je vais vous surprendre. Moi c'est Civil War. Mmh. J'ai beaucoup aimé ce que les frères Russo avaient fait sur The Winter Soldier. Voilà, et j'avoue que je suis un grand fan de l'univers Marvel et surtout des Avengers. Donc là, vu qu'on a affaire à un mini Avengers, et l'histoire, d'ailleurs, dans l'histoire même des comics, c'est l'une des meilleures histoires écrites, en tout cas. Mais ils vont pas se baser sur les comics, donc. Ah, bah non, on a vu avant la même. Mais le côté où on a pas d'ennemi intérieur et en gros c'est dans l'entre-soi, moi ça m'intéresse. J'ai envie de savoir. Après, j'avoue que la deuxième bande-annonce de Batman vs Superman m'a beaucoup titillé. Et Suicide Squad, non, moi franchement je sens le coup fourré venir. Donc pour moi ce sera Civil War et en deuxième Batman vs Superman. D'accord, donc moi je n'aurai pas l'effet de surprise que j'avais eu la semaine dernière en vous annonçant mon choix, mais je persiste, mon choix va vers Doctor Strange. Oh là là, quelle surprise, vous êtes choqués, hein. Pourquoi? Parce que Deadpool me faisait très peur avant de le voir, parce que maintenant que je l'ai vu, voilà, je sais voilà ce que j'en pense. Vous attendrez jeudi pour le savoir. Batman v Superman, voilà, pareil. Suicide Squad, deux trailers qui semblent nous présenter deux films différents, hors de question. Enfin, ça me fait plus peur qu'autre chose. X-Men, les Fox Apocalypse, bah voilà. Hein, si c'est ah non, voilà. On n'en parle pas. Puis Civil War, Civil War en carton avec 8 mecs qui se font. Voilà. Donc oui, Doctor Strange, parce que nouvelle facette de l'univers Marvel. La dernière fois qu'on avait une nouvelle facette, c'était avec Guardians of the Galaxy, on s'était pris une petite claque, c'était l'univers cosmique, là on va voir l'univers magique. Donc j'espère avoir cette nouvelle bonne surprise. Bah, si je peux juste par rapport à Doctor Strange, l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très enthousiaste par rapport à ce film, c'est à cause du film d'animation qui avait été fait. Je sais pas si vous l'avez ah, vu. Ah oui, mais faut l'oublier, ouais, celui-là. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, il est quand même difficilement transposable à l'écran, surtout dans un univers réaliste que nous vend Marvel depuis le début. Et en plus, sachant qu'il est possible que son histoire se rejoint avec celle des Avengers dans Infinity ouais. War. Voilà. On avait eu un film Daredevil avant d'avoir la série. Hein. Oui, oui, oui. Hein? Mais généralement, les films, si tu te rappelles, par exemple, on a eu les premiers, le film d'animation Avengers, les premiers films d'animation Ultimate Avengers, c'était génial. Et dans le film, on avait presque retrouvé la même chose. Donc, ouais, c'était génial. Ça donne un avant-goût, moi, je trouve. Ah, bon, c'était génial. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai l'impression que ça donne un avant-goût, surtout quand c'est les mêmes studios, enfin je sais pas si ce sont les mêmes studios qui font les films d'animation. C'est Marvel Animation qui avait fait les films, non? Oui, non, Doctor Strange, je suis même pas sûr que ce soit le même. C'est Marvel Animation. Parce qu'ils sous-traitent vachement Marvel pour leur animation à des studios, notamment japonais et tout. Ah, d'accord, bon, bah voilà. Mais bon. Mais je suis curieux, bien sûr que j'irai le voir, peut-être le deuxième jour après sa sortie. Hein. Peut-être. Alors, pour les auditeurs et les lecteurs de Comic Stories qui ont voté sur le site, donc les résultats ont un petit peu bougé par rapport à la semaine dernière quand on avait fait la première version de cet enregistrement. C'est Deadpool qui est en tête, ça n'a pas changé, avec 27% des voix. La deuxième réponse qui arrive, c'est toutes, enfin toutes les adaptations, donc voilà, 23% des gens n'ont pas pu choisir et ont voté tous. Donc est-ce que c'est vraiment pour les voir tous, ou est-ce que c'est parce qu'il y en avait deux ou trois et que du coup, pour ne pas en choisir qu'un, ils ont mis ça? Je ne sais pas. Troisième position, Doctor Strange. Ah ouais. Avec 13%. Juste derrière, Captain America Civil War. Il faut quand même dire que la promo est quand même assez nulle, hein, je pense qu'il faut. Pour le moment, il n'y a pas de promo pour Doctor Strange. Civil War, ouais, c'est pas top. X-Men Edge of Apocalypse arrive derrière Civil War. Et en avant-dernière position, c'est Suicide Squad avec à peine 8% et Batman v Superman à peine 7%. Donc clairement, les films d'ici n'ont pas l'air d'emballer les personnes qui ont voté. Bah, je vous on le promets. Hein. Donc on ne sait pas comment est leur univers. En plus, on ne peut pas dire que à un mois de la sortie du film, il y a énormément de promos pour Batman v Superman. Il y a un gros problème. Les Suicide Squad, ils sont nombreux et il n'y a pas eu de présentation avant. Donc comment ils vont réussir à traiter tous ces mecs-là? On verra. En tout cas, voilà pour la réponse en tout cas à la question de la semaine. Évidemment, la semaine prochaine, vous aurez droit à une nouvelle question et vous vous doutez bien qu'elle risque de parler d'un certain mercenaire. On va parler de l'actu ciné. Avant de parler de ce qui est marqué au conducteur, on va peut-être quand même dire deux mots de ce qui s'est passé dimanche dernier, puisque dans la nuit de dimanche à lundi, c'était Super Bowl. Et qui dit Super Bowl dit déferlante de spots de pub. On a eu droit à Tortue Ninja 2, on a eu droit à Age of Apocalypse, on a eu droit à Batman v Superman à travers deux publicités pour Turkish Airlines. On a eu droit à Civil War, on a eu droit à Deadpool, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le livre de la jungle, mais je sais pas si ça en fait ouais, partie. Bah non. Rapidement, lequel vous a peut-être le plus, on va pas parler de chacun des spots et des trailers, voilà, mais lequel peut-être vous a plus que les autres, Arnaud? Sincèrement, aucun. Ah ouais. Et s'il faut que j'en choisisse un, ce qui m'a le plus, disons, amusé, même si c'était pas le bon terme, ce serait les spots Turkish Airlines pour DC. Au moins, ça changeait de ce qu'on pouvait voir habituellement, surtout dans la promotion de DC. C'était assez étonnant de voir ça. Mais après, je suis pas certain non plus que c'était une bonne idée de se couper de, enfin de, c'est une gros, il y a quand même une grosse audience pour le Super Bowl. Et je pense que c'était quand même une très mauvaise idée de pas mettre une petite bande annonce de, pour Batman v Superman qui sort dans un mois. Mais si je dois regarder parmi tout ce qui est sorti, c'est ce qui m'a le plus intéressé, bien plus que les teasers de Civil War, de Age of Apocalypse, c'est ou bien autres qui m'ont refroidi. Et Deadpool, je les ai même pas regardés, tout simplement. D'accord. Bien, on a eu un spot Coca aussi avec Hulk et Ant-Man. Ah, ouais, c'était cool. C'était bien plus intéressant que le teaser de Civil War, mais je trouvais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Clément, tu retiens quoi, toi? Rien. Rien non plus? Rien t'a emballé dans tout ça? En plus, je crois que je n'ai pas vu toutes les pouces, j'ai pas vu. Civil War, ouais, bof. Batman, j'ai pas regardé. Civil War X-Men, à la rigueur, je me dis, ouais, ça peut être sympa. Si t'as vu que X-Men, je comprends que tu retiennes rien. Non, il n'y a pas eu des. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Le moi, ce qui m'a le plus marqué dans la semaine, après, c'est après, avec la bande-annonce de Batman et Superman, quoi. Voilà. C'est pas le Super Bowl. Ça, ils auraient dû mettre pour le Super Bowl. Bah oui, surtout qu'ils ont les bons. Bon, c'était. Ça fait quand même 2 minutes 30, 40. Oui, mais un teaser de 30 secondes, comme oui, les oui, autres. Oui. Hein. Et la bande-annonce de 2 minutes plus tard dans la semaine. Tu parlais de Jungle Book tout à l'heure. Oui, oui. Diffusé un spot de 30 secondes qui renvoyait sur Internet pour aller découvrir le trailer qu'ils avaient mis en ligne en même temps. Ah, d'accord, je pensais qu'ils avaient diffusé en mode. L'intelligence du marketing de Disney. Comparé à Warner. Et souvent on a droit à ça. Hein. Bon là, il n'y avait pas de film à trailer du côté de Marvel Studios. Voilà, c'était encore trop tôt pour les prochains. Donc, et puis Civil War, on a déjà eu. Donc du coup, on a eu droit qu'à des spots, mais ils avaient déjà fait ça, Marvel aussi. Irish, tu retiens lequel, toi? Moi, je retiens Civil War. Ok. Je retiens Civil War parce que ça m'a teasé les deux camps, bon, même si on savait déjà un petit peu à peu près, voilà. Au moins, j'ai pu avoir les deux camps. Et après aussi la scène avec Tony Stark, la balle. Et Je suis resté un peu longtemps sur la réaction. Je sais pas si vous avez regardé ça, mais quand Bucky lui tire dessus, t'as un gros sentiment d'étonnement qui tease en fait sur le fait qu'il s'attendait pas à, voilà, que... Oui. Voilà. Mais le pire pour moi, peut-être, s'il fallait choisir un pire, ce serait peut-être X-Men Apocalypse. Voilà. Civil War m'a un peu plus plu que les trailers, jusqu'au moment de les voir tous ensemble, et là je me suis dit, oh, c'est cheap quand même. Ah oui, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Je m'attends à. Ça m'a fait tellement mal de les voir 5 contre 5, là, mais qu'est-ce dans le comics, c'est tellement dantesque, et puis, et là, tu vois, ça va être un truc, même pas, ça a pas l'air d'être en pleine ville, en plein port. Ça va être dans un espèce de truc abandonné. Ça a l'air, ouais, ça a l'air super chiant, quoi. Allez, les gars, on se fait une guerre civile, mais on l'a fait à 10, hein. Dans un entrepôt éloigné de tout. Ce qui est marrant, ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit, bon, en fait, tous les 9 autres pourraient se mettre de l'autre côté, la Vision tout seul, quoi. Aussi, ouais. Parce que c'est pas très équilibré, finalement. La Vision avec le marteau de Thor, et hop. Voilà, bon, si je devais retenir quelque chose, ça serait peut-être justement les spots qui ne défendaient pas forcément un film, donc comme Arnaud, Turkish Airlines, et puis le spot Coca était plutôt pas mal. Voilà, c'est tout. Clément, tu vas nous parler de la seule news de la semaine concernant Marvel Studios. Oui, donc le tournage des Gardiens de la Galaxie Volume 2 a commencé. Donc, à l'heure où on enregistre cette semaine, ils sont, quand vous écouterez la semaine dernière. Et donc, on a appris deux choses, moi qui ne surprenne pas tant que ça. On n'aura pas de Thanos ni de Pierre de l'Infini dans le Volume 2. Ah oui, voilà. Donc, pas de surprise évidemment. Pas de surprise. Ouais, mais ça met pas un peu en. Ça envoie pas un peu voler l'hypothèse comme quoi on aurait la Dame Warlock. Bah non. Mmh. Il est pas lié, hein. Il est pas lié aux pierres d'infini, Warlock. Il a pas une pierre d'infini, un truc comme ça. Oui, mais bon, on a bien vu ce que sont les gemmes de l'infini dans le Marvel Cinematic Universe. C'est pas. Voilà, l'éther dans Thor 2, par exemple. Oui, parce qu'il me semblait qu'il contrôlait, il avait un, bon, après, je suis pas trop calé, mais il savait que celle de l'esprit, c'est lui qui l'avait. Ou... Oui, mais voilà. Après, on ne nous a jamais annoncé qu'il était dans le film aussi. Non, mais il y a eu des. Y a des bon, on l'a pas. Il n'y a rien d'officiel, mais ça parlait beaucoup de Warlock. D'ailleurs, c'était Coulson même qui l'avait dit, il me semble. Ouais. Alors, promo pour Agent of Shield. Je sais plus. Mais de toute façon, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas Thanos, puisqu'il le réserve pour Infinity War, ce qui est logique. Ça commence à devenir frustrant de le voir tout le temps à dire bon, bah, il va falloir que je fasse son boulot. Je m'en occupe moi-même et il met son gant. Il a mis son gant, maintenant, il est prêt là. Ouais. Donc, si on le voit encore, on va dire bon, bah, normalement, tu devais agir là. Il est prêt, il attend que le mémo tombe et c'est bon, il se lance. Allez, Irish, Deadpool, c'est lui qui fait l'actualité en ce moment, évidemment avec sa sortie la semaine dernière. Et quelle actualité ? Ah oui, vu que on sait déjà qu'il y aura un 2, la Fox a lancé le développement de Deadpool 2 et avec les mêmes scénaristes, Rhett Reese et Paul Wernick. Et le studio espère aussi même le retour du réalisateur de l'opus qui est actuellement au cinéma, à savoir Tim Miller. Voilà, on en parlera jeudi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Ou je m'en fous, on verra bien. Et alors, qui a été le premier à voir ce film il y a 6 semaines déjà? Oui, donc un jeune gamin atteint de cancer a été le premier à voir le film en compagnie de Ryan Reynolds. Voilà. C'est plutôt une très belle initiative. Bon. Il y en a qui vont te dire c'est opportuniste, marketing. Bah pour ce coup, non, puisqu'on ne le savait pas. Oui, c'est vrai. Il le dit après la sortie du film. Il en a parlé vendredi soir. Ah, c'est vrai. Je sais pas voilà, il a dit il y a 6 semaines qu'il avait fait le voyage pour voir ce petit gamin au Canada, à Edmonton. Il s'appelle Connor McGrath. Et voilà, il lui a montré le film, il est resté avec lui pour le regarder et tout. Et on n'a pas eu, à cette époque-là, de battage, etc. Là, il le dit, le film est sorti, la promo est faite, voilà. C'est beau. Et je trouve ça un peu moins. Et d'ailleurs, je pense que. Pardon ? Je trouve ça du coup moins cynique, entre guillemets. Oui, c'est moins cynique, oui. Voilà. Je savais pas qu'il l'avait. Bon, j'avais pas entendu parler, ce qui était normal d'ailleurs. Mais encore une belle initiative. Et alors, le box-office. Parlons-en. Voilà. Et donc. Et peut-être grâce à ça, le karma qui entourait tout ça, bah, Deadpool réalise le meilleur démarrage en France de 2016. Donc avec 285 711 spectateurs juste pour la journée de mercredi. Bon, en même temps, il faut dire il y avait 478 écrans. Il bat Days of Future Past, le président X-Men. C'est marrant, à chaque fois qu'on prononce ce film-là, Arnaud, il a une réaction épidermique. J'ai rien dit. Hunger Games. Non, il a rien dit. Non, Arnaud, pardon, putain, merde. Mathieu. Ah oui, non, mais oui, bah, c'est plus là. C'est On va mettre un petit post-it avec nos noms. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, le Hobbit également. Donc, son premier week-end d'exploitation aux États-Unis est estimé à 130 millions de dollars. 135, même maintenant. On a eu les chiffres. Ça a changé, il n'y avait même pas une heure. 135 pour les trois premiers jours. Ouais. Et 10, 150 pour les 4 jours. C'est ce qui est un record pour un film classé R aux États-Unis. Oui. Également, meilleur démarrage pour un film sorti en février. Meilleur démarrage pour un X-Men. Meilleur démarrage pour un film de la Fox et sixième meilleur démarrage d'un film Marvel DC. Voilà. Donc, est-ce qu'on s'attendait à ça? Clairement non. Je ne pense pas. Moi non. Je m'attendais à ce que ça marche. Mais pas autant. Mais voilà, sixième meilleur démarrage de l'histoire des films Marvel DC confondus. Non, mais je suis d'accord. Surtout quand tu vois que j'ai regardé un article là, il disait meilleur démarrage pour le mois de février qui bat 50 Shades et meilleur démarrage pour un film R-rated qui bat, il bat donc Matrix. Oui, Matrix Reloaded, je crois. Puis Deadpool, c'est pas un parc, ça reste. Enfin, je veux dire, c'est un personnage très connu. Bah moi, enfin honnêtement, je parle avec des personnes qui sont spectateurs lambda, qui regardent pas forcément qui lisent pas forcément des comics. Honnêtement, il y en a pas tant que ça qui connaissent le personnage, quoi. Bah voilà. Moi, je le connaissais pas. C'est surprenant, ce qui est très surprenant. Et moi, ce qui m'a surpris, voilà, c'est de voir les salles de ciné quand même blindées, quoi. Et je vois la queue hier quand je suis allé au cinéma. Est-ce que après c'est pas justement grâce au côté marketing et pas seulement sûrement le marketing a très bien marché. Ryan Reynolds, son boulot aussi, il a très bien joué son coup. Ah oui, puis peut-être aussi les gens ont peut-être aussi besoin de rire et on en discutera, mais en allant voir Deadpool, on est peut-être sûr de ne pas se prendre la tête et de se marrer, quoi. Peut-être aussi. On va pas spoiler le débat. Voilà. C'est aussi le meilleur démarrage carrément pour un film sorti en hiver, au-delà de février. Ah ouais. Et les trois seuls à avoir réussi à faire mieux sur un démarrage du côté des comics, c'est Batman, c'est Iron Man, c'est les Avengers. Ah ouais. Quand même. Voilà. Ouais. Bon, je pensais que t'allais me faire aussi meilleur démarrage pour un film avec un super-héros en costume rouge. Parce que là, on est. Et non, il y a Iron Man. sachez qu'avec 135 millions sur le premier week-end et 260 millions sur le monde entier, sachez qu'en un week-end, il a fait mieux que Green Lantern sur toute sa carrière. Green Lantern avait enregistré 116 millions sur toute sa carrière aux États-Unis et 219 millions sur le monde. Mais j'ai lu aussi qu'en gros, en une journée, Deadpool a remboursé ce qu'a coûté. Oui, 58 millions. Fantastique Four à la Fox. Ah, aussi, oui, il y a ça aussi. Ouais. Donc voilà, excellent démarrage pour Deadpool, on va suivre ça. Pour les chiffres au bout d'une semaine et compagnie. Et on en reparlera donc prochainement. On va passer dans le camp d'en face. Celui qui se prépare à sortir ses armes maintenant, c'est la Warner. Et la Warner qui sort des produits dérivés, Arnaud. Oui, ils s'y mettent aussi. Et ce week-end, il y avait lieu la New York Toy Fair. Et Funko en a profité pour dévoiler une photo de leur Funko Pop pour la Suicide Squad. Où on voit bien sûr le Joker, les Queen, Katana, Rick Flag, Deadshot, Captain Boomerang, Killer Croc et El Diablo. Donc tous les personnages du film. Pas de date encore annoncée pour la sortie, mais ce sera sans doute autour de la sortie du film pour le début août. Ouais, voilà. Donc si vous rêviez d'avoir une figurine Funko Pop Rick Flag, eh ben voilà. Merci l'université, vous allez l'avoir. Sinon il y a mieux, il y a Harley Quinn et le Joker. Évidemment. Allez, on va parler maintenant de l'autre comics de la semaine, celui de cette semaine vraiment, c'est Je suis Deadpool, évidemment. Je suis Deadpool qui est l'anthologie sortie par Panini, on prend un petit peu d'avance sur le comics qui se présente Deadpool de la semaine prochaine. Je suis Deadpool, c'est 22 euros je crois, ou 22,50 euros, je sais plus. enfin voilà, 22 euros on va dire. Et c'est quoi dedans? C'est 10 histoires de Deadpool, 10 épisodes marquants de la carrière du mercenaire, avec évidemment sa première apparition dans New Mutants numéro 98, et puis 9 autres histoires, la dernière, la plus récente, étant le mariage de Deadpool, voilà, qui date de 2014, voilà. Deadpool numéro 27 de Brian Posehn, Gary Duggan. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes dans cette anthologie, avec entre chaque épisode au moins une page de contenu rédactionnel qui nous resitue le contexte, qui nous présente le personnage, où est-ce qu'il en est, qui est-ce qui l'écrit, voilà, qu'est-ce qui est important dans cet épisode, tout ça. Donc voilà, ça y est, Panini a compris comment faire des anthologies, comment bien les faire, et du coup elles deviennent maintenant des choses incontournables, voilà, qui sont accessibles à tout le monde et qu'il faut lire pour découvrir les personnages. Voilà. Si on sort du film et qu'on veut découvrir Deadpool, bah autant prendre ça, on en sait un peu plus et puis après on peut s'orienter vers autre chose. À noter également l'histoire intitulée Deadpool, qui est le prélude à Deadpool Core numéro 4, qui introduit une version alternative de Deadpool que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc le comics de la semaine, je suis Deadpool pour 22 euros chez Panini, disponible dans toutes les librairies depuis le début du mois de février. On va passer à l'actu comics VO maintenant. Le meilleur moment du mois, je sais, vous l'adorez, c'est les chiffres de vente du mois précédent. Ouais, il n'y a pas de suspense. Chiffres de vente de janvier sont tombés. Qui est-ce qui domine le marché? Mais c'est Marvel, dis donc. Marvel avec 44% des 44,38% des recettes en dollars et 48,17% des unités vendues. Donc un comics sur deux vendu est toujours un comics Marvel depuis maintenant 3 mois d'affilée. C'est énorme. DC boit la tasse. DC 24% en unité et 22% en part de marché. Donc l'écart, voilà, c'est le double. Pile le double. Voilà. Image Comics est à 11% d'unité et à 10% en chiffre d'affaires. Derrière, on a IDW, Dark Horse et Boom Studio. Voilà. Donc bah voilà. Hein. On va attendre Rebirth maintenant pour que les choses peut-être se rééquilibrent. Ouais, c'est vrai. On verra. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que pour la première fois depuis longtemps, le marché est en recul si on prend par rapport au mois de janvier de l'année dernière. Habituellement, quand on compare au mois de l'année précédente, on est toujours soit plutôt stable, soit plutôt en hausse. Mais là, sur tous les secteurs, que ce soit les singles ou les TP graphic novel, on est en recul entre 4 et 10% selon les catégories. Voilà. Donc peut-être une petite reculade du marché. Mais en même temps, l'année dernière, le mois de janvier, c'était Star Wars numéro 1. Ça aide. 900 000 exemplaires, donc forcément, quand on n'a pas ça. Quels sont les 10 premiers quels sont les 10 premiers du top 10 vendus le mois dernier? Eh bien, le premier, c'est pas un DC, ça on pouvait s'en douter. DC n'a plus eu la tête du classement depuis bien longtemps, et c'est pas un Marvel non plus, puisque c'est le numéro 150 de Walking Dead. Oh la vache! Qui vend environ 160 000 copies. Donc, c'est un gros, gros score pour un épisode dans lequel il ne se passe absolument rien. Donc, j'imagine tous les gens qui sont achetés le numéro 150 en se disant ça va être énorme, comme dans le numéro 100, il va se passer un truc, il y en a un qui va mourir, ça va être. Voilà. Non, rien. Mais rien. Il se passe rien de rien. Donc, voilà, bah voilà. Vous êtes fait flouer, les gars. Moi, j'aurais employé un autre terme. Mais... Vous êtes fait baiser. Ok, on peut le dire. Le deuxième numéro, qui est le premier en termes de recettes en dollars, puisque vendu 2 dollars de plus que Walking Dead, c'est Secret Wars numéro 9, le dernier numéro de l'event Marvel. Ah, ils l'ont pas terminé? Ça y est, c'est fini. À peu près 150 000 copies pour le dernier numéro d'un event, c'est pas mal. Surtout 157 ans après, quoi. C'est ça. Le numéro 1 de Spider-Man Deadpool est troisième du classement avec environ 130 000 copies. En numéro 4 et 5, Star Wars 14 et Star Wars 15. Normal. Tout va bien pour Star Wars. Old Man Logan, numéro 1 de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, se classe 6. Normal. Se classe 7e, Obi-Wan and Anakin, numéro 1. Et ça y est, 8e position, DC arrive. Oh putain. Avec Batman, numéro 48. Darth Vader numéro 15 se classe 9e et Uncanny X-Men numéro 1 se classe 10e. Si vous voulez retrouver un titre d'ici, il faut sauter directement de la 8e place de Batman 48 à la 24e place. Il s'agit de Batman Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 2. Ah ouais, en plus. Voilà, avec un index à 51, ce qui veut dire à peu près 53 000 exemplaires vendus. Oh Donc Batman vend entre 100 et 110 000. Et derrière, on a Batman Teenage Mutant Ninja Turtle en 24e position. Et après, il faut encore reculer, 29e place pour avoir un Justice League of America. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, donc d'ici, c'est bien de revoir... Harley Quinn, 35e. Deux numéros de Batman et Robin Eternal en 41 et 42. On en a un en 44e position. Et c'est tout pour le top 50, quasiment. Après, il y a un numéro de super. Oh là là, c'est intéressant. Ils se font mal, là. Ah bah, permettons, ils nous font mal à nous aussi, hein, parce ouais, qu'on aimerait bien avoir des bonnes histoires chez eux. Bah, ils sont en train de payer la stratégie éditoriale qu'ils ont là depuis 2-3 ans, quoi. Et puis du côté de chez Marvel, on a quand même toujours Doctor Strange dans le top 24, alors qu'il est dans le top 25, alors qu'il est au numéro 4. All New, All Different Avengers se porte super bien. Deadpool 14e. Enfin voilà, c'est. Il y a Star Wars qui pousse, mais il y a aussi toutes les séries relaunchées en permanence qui marchent bien, quoi. Donc ben voilà, hein. Et puis du côté des TPB, eh ben non, c'est pas Saga qui tient la tête, c'est pas Walking Dead non plus, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. C'est Star Wars. Ah, normal. Star Wars TP volume 2 et Star Wars Darth Vader volume 2 et Star Wars volume 2 en deuxième position. Voilà. Le troisième pour le podium, c'est Color Your Own Deadpool TPB, donc un livre de coloriage sur Deadpool. Si tu veux colorier un Deadpool en rose. À noter que Deadpool Secret Wars est sixième du classement pour ce mois-là, et que le TP de Civil War pointe son nez à la 10e place. Pour retrouver du Saga, il faut aller à la 12e place, et pour retrouver du Walking Dead, il faut descendre à la 18e place. Ah, quand même. Attention, ces chiffres sont très peu représentatifs du marché réel, parce que c'est uniquement les chiffres Diamonds, et on sait que les TPB fonctionnent aussi en librairie et dans les bookstores plus globaux, loin du marché Diamonds, donc voilà, c'est des chiffres certes indicatifs, mais bon. Révélateur quand même. Voilà. À noter qu'Archie est 109e du classement et c'est une excellente performance. Ils vendent encore presque 25 000 numéros. Voilà. Pour les ventes du mois de janvier 2016, maintenant on va parler de DC justement qui se porte si bien. Mmh. Et Clément, c'est toi qui vas nous en parler. Et alors, c'est que des bonnes nouvelles. Ah oui, c'est que des bonnes nouvelles. Alors, commençons par une bonne nouvelle, l'annulation d'un titre auquel DC commence à nous habituer. Donc là, c'est l'annulation de Starfire. Donc le Starfire... Dessiné par Elsa Chartier depuis ce mois-ci. Oui, en plus, oui. Donc oui, par Elsa Chartier. Donc la série avait commencé en juin. Et donc, elle aura tenu, tiendra 12 numéros, vu qu'elle va se terminer, là, au mois de mai. Donc, c'est pas vraiment une... Ça faisait partie de la liste des rumeurs dont on vous avait parlé la semaine dernière, mais vous n'avez pas entendu, parce que l'émission a été jetée. Mais voilà, ça faisait partie des rumeurs dont on avait parlé. Donc, la première à être confirmée, l'annulation de Starfire. On continue dans les bonnes nouvelles? Ouais, donc là, c'est... comment dire? DC Comics s'est dit, tiens, si on allait rendre un hommage à un super reboot qu'on a décidé de faire, donc je parle des New 52, donc là, ils ont eu la magnifique idée de proposer pour le mois de mai, de proposer des variant covers, donc un hommage aux New 52, donc on... Par exemple, sur le titre Superman, on retrouvera Action Comics, on retrouvera une allusion à la cover du premier Action Comics version New 52, Aquaman, pour Batgirl, pour Batman, enfin pour tous les gros titres, quoi. Mm-hmm. Voilà. En fait, ouais, c'est... Moi, je les trouve cool, ces covers. Oui, elles sont cool. Parce qu'en fait, c'est... On reprend le design, la pose, le style du numéro 1, ouais. Mais c'est fait par les équipes des numéros actuels, et c'est surtout, on tient compte des évolutions qu'il y a eu depuis, notamment les changements de costumes, ça se voit sur Green Lantern, où Sinestro est redevenu en jaune. Je suis d'accord avec toi, il y a des changements, ils ont pris en compte. Batgirl, c'est la nouvelle Batgirl de Burnside, là, qui est dessinée, plus flamboyante, etc. Aquaman, il n'y a pas tellement de changements. On voit qu'il a pris un coup de vieux quand même. Et par exemple, on a Green Arrow, donc on se souvient du désastre du Green Arrow version New 52, qui faisait bien penser à la version Smallville. Mm-hmm. Et donc là, on retrouve pas la même pose, mais avec le Green Arrow. Avec le bouc et la capuche. Ah, c'est ça, avec le bouc et la capuche. On retrouve Superman. Mm-hmm. Donc voilà, on rend hommage, mais quand même. Mais c'est ça, ils n'assument pas trop. ils n'assument pas trop le New 52, donc, on va rendre hommage à une partie. Le clin d'œil est sympa, après c'est, oui, des, non, variantes c'est, cover. C'est des variantes cover, on n'est pas obligé de les prendre. C'est ça. Allez, on continue dans la dégringolade. Dans la dégringolade. Donc, vous vous souvenez qu'il y a un certain titre, The Dark Knight. Ouais, je me demandais pourquoi j'avais pas encore reçu mon numéro 3. Ouais. il devait pas être sorti, celui-là. The Dark Knight 3, donc qui est entamé depuis maintenant plusieurs mois. Donc le novembre. Novembre, ouais. Ouais, voilà, ça fait pas si longtemps. Donc le numéro 3 était censé sortir le 20 janvier. Et bah, vous allez devoir attendre un mois de plus, puisqu'il va, il devrait sortir le 24 février. Mais comme l'avait dit, on n'est jamais à l'abri des retards. On se souvient de Superman Unchained. Mm-hmm. Là, niveau retard, c'était quand même du très très lourd. Donc du coup, bah, forcément, avec le retard du numéro 3, il y a un décalage pour tous les autres numéros. D'un mois à peu près. Ouais, le numéro 4 prévu pour le 16 mars est décalé au 13 avril. Le numéro 5 est décalé, annoncé pour le 20 avril, est désormais attendu le 18 mai. Et on n'est pas certainement pas à l'abri d'autres retards. Et donc, et ça a aussi une incidence sur le numéro préquel, The Dark Knight Returns The Last Crusade, donc par John Romita Jr., qui était initialement prévu pour sortir en février, qui devait permettre à Andy Gobert de faire une pause. Et donc, 2 février, ce numéro sortira le 30 avril. Voilà, une grosse pause donc. En ce qui concerne le numéro 3, là, qui est soi-disant décalé au 24 février, le site sur lequel je précommande mes comics n'a toujours pas de date de mise à jour. Il m'annonce, parce que c'est dans mes précommandes, il m'annonce que ça sera mis, la date sera communiquée dès qu'ils l'auront. Ouais, donc. Puis du coup, ça va décaler aussi la sortie d'Urban. Ah, bah Urban, oui, ça va mettre dans la merde tout le monde de toute façon cette histoire. Oui, forcément. La dernière news pour ce mag. On continue dans les bonnes nouvelles. On va continuer. C'est bien sûr, c'est ironique. Donc, il y a du mouvement du côté de The Flash. Pas du bon mouvement, puisque cette semaine, l'auteur Van Jansen a annoncé bien sur son Twitter qu'il allait quitter le titre The Flash, qu'il coécrit avec Robert Venditti, mm-hmm. mais aussi, non seulement il quitte The Flash, mais il a annoncé qu'après 4 ans chez DC, il avait décidé de quitter DC Comics. Donc encore un auteur qui casse de la distinguée concurrence. Alors, à noter que Snyder a confirmé qu'il arrêtait Batman au numéro 51. Venditti et Van Jansen s'arrêtent au Flash numéro 51 aussi. Je voudrais bien savoir ce que seront les numéros 52. Parce que c'est pas le dernier numéro de la série avant le DC Rebirth. Hein. Il y a encore un numéro à sortir le mois d'après. Et toutes les équipes se barrent un mois avant. Snyder a annoncé le départ de 51 ? Oui, Snyder a dit que son dernier numéro de Batman serait 51. D'accord. Ah ouais. Ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que sera le numéro 52 ? Est-ce que ça va être comme à l'époque de Flashpoint, où on va nous faire une petite histoire transition pour nous balancer dans un nouvel univers après ou quoi ? Je pense pas. Voilà. C'est quand même bizarre que tout s'arrête un mois avant. Bah, ils ont peut-être. Ça va peut-être justement faire la transition avec la nouvelle série, avec les nouvelles séries qui vont débarquer le mois suivant. Je crois pas. Je pense qu'il y a peut-être. Ce serait plus intéressant que de nous faire un numéro bouche-trou. Oui, mais c'est sûr. Mais je pense que symboliquement. Il y a quelque chose qui se prépare. À mon avis, on en saura plus bientôt, mais voilà, c'est bizarre que tout s'arrête un mois avant. Mais c'est surtout, enfin, c'est très con, mais enfin, moi, je trouve qu'en symbolique, ils n'auraient pas intérêt à terminer au numéro 51 et faire quelque chose au numéro. Enfin, faudrait qu'ils gardent le numéro 52, quoi. Parce que, donc, le numéro 52 va servir à quelque chose, et vu la symbolique du numéro, je pense qu'il risque d'être plus important que ce qu'on pourrait croire, ce numéro 52. Ouais, je pense aussi. Allez, soyons fous, on aura Pandora dans tous les numéros 52. Allez, on va passer à Marvel maintenant. De toute façon, on peut faire que des spéculations sur DC. Marvel a annoncé une mini-série Daredevil Punisher à partir du mois de mai. On ne sait pas quelle sera l'équipe créative. On a juste la couverture pour le moment du premier numéro. Les deux personnages vont donc se croiser dans les comics dans une mini-série à partir du mois de mai, c'est-à-dire 2 mois après leur rencontre dans la série télé Netflix. Voilà, qui conclut le mag de cette semaine. Prochain rendez-vous, c'est jeudi. On vous en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Jeudi, sur nos écrans consacrés au film Deadpool. Vous allez connaître notre avis. On va en débattre ensemble. C'est dans 2 jours. Et puis, ce week-end, Comic Stories présente Deadpool, évidemment. Il ne me reste qu'à vous inviter à nous laisser éventuellement quelques commentaires dans l'article de ce podcast, sur Twitter, sur Facebook. Si vous avez des questions concernant les news, concernant des personnages en particulier ou autres, n'hésitez pas à le faire via nos pages Facebook et Twitter ou par mail redac@comicstories.fr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos petites prostituées, mais si vous voulez aller nous mettre 5 étoiles sur iTunes, n'hésitez pas. Pourtant, t'as l'habitude, Mathieu. Eh oui, ouais. Pourtant, j'ai l'habitude, mais pas ici. Donc, en attendant, on se retrouve jeudi pour Deadpool. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut. Salut.